Chapitre 5e. Dès qu'elle fut montée chez elle, Antoinette s'approcha de la fenêtre, écoutant parler son mari qui mettait en voiture les Lassolet et les Blainville. La voix de Guy éclatait joyeusement dans la nuit, adressant à l'une des jeunes femmes une dernière galanterie banale. Et quand les voitures eurent disparu, la comtesse resta penchée, distraite, le cœur gros, la tête vide, se raisonnant pour se prouver qu'elle était absurde de se tourmenter, et se tourmentant d'autant plus qu'elle se raisonnait davantage. Bientôt, elle entendit derrière elle Guy, qui demandait en riant « Qu'est-ce qui vous intéresse si fort dans cette obscurité ?» Elle se retourna vivement, surprise et troublée. Il lui prit les mains. « Vous êtes comme un petit glaçon. C'est fou de rester à cette heure-ci à regarder par la fenêtre en robe décolletée. » Il l'avait attirée près de la lampe, et elle le regardait, uniquement préoccupée de lui montrer un visage souriant. Tenant toujours ses mains, il l'écarta un peu de lui pour la mieux voir. Elle se détachait toute mince et blanche sur la tenture sombre, avec ça et là, sur les épaules, sur les bras, sur la robe transparente, des petits reflets roses tombés de l'abat-jour. « Vous êtes jolie ce soir, » dit-il, et la prenant brusquement dans ses bras, il murmura d'une voix chaude « Montoinon, va, Montoinon, chérie !» Elle se serrait contre lui, heureuse, presque confiante, oubliant tout dans cette caresse. Elle demanda « Vous m'aimez bien, dites ?» Il se mit à rire « Si je vous aime ?» Et posant ses lèvres sur les lèvres d'Antoinette, il répéta en mangeant de baisers sa bouche fraîche « Je t'adore, je t'adore, je t'adore !» Il s'était assis, l'entraînant sur ses genoux, et elle restait immobile, doucement engourdie, ne pensant plus à rien, toute pénétrée de la joie de le sentir à elle. Elle fut réveillée de sa torpeur par Guy qui disait « Tu sais qu'il est 2h30 ». Elle se leva, toute triste d'être tirée de cet abrutissement délicieux. Monsieur d'Étiol se leva aussi et passa dans sa chambre dont il laissa la porte ouverte. Antoinette commença à se déshabiller, allant et venant, silencieuse et rapide, lorsqu'elle sortit de son cabinet de toilette, toute reposée dans la longue chemise de batiste qui plaquait sur son corps souple rosé par l'eau froide, elle s'avança jusqu'à la porte de Guy. « Bonsoir, » dit-elle. Il se retourna, lui tendant les bras, et d'un bond elle vint s'y blottir, se suspendant à son cou, câline et vibrante. Le comte la souleva de terre, prête à l'emporter comme un bébé, mais tout à coup elle se débattit, agitant ses petits pieds nus pour retrouver le sol et balbutiant, le regard effaré et la voix changée. « Pas ce soir, non, pas ce soir. » Elle venait d'apercevoir, sortant à demi de la poche de l'habit jetée sur le divan, le morceau de ruban bleu coupé à la ceinture de la petite de Lassolet. Et la vue de ce ruban avait ramené toutes ses appréhensions, toutes ses jalousies. Étonné, Guy demanda « Pourquoi pas ce soir ?» Et posant doucement Antoinette à terre, il ajouta, inquiet de voir son visage bouleversé, « Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es malade ?» Sans même savoir ce qu'elle disait, elle répondit, « Malade? Pas du tout. Pourquoi serais-je malade ?»« Mais je n'en sais rien, moi, ma chérie. Tout ce que je sais, c'est que vous avez quelque chose. Vous n'êtes pas la même. Vous êtes nerveuse, agitée. Tenez, jusqu'à vos yeux, qui ne sont pas vos bons yeux de toujours. » Il semblait si ému, si tourmenté de la voir ainsi, qu'elle regretta de n'avoir pas su dissimuler son trouble. « Pardon, » dit-elle, « pardon de ma stupidité. Je ne sais vraiment pas. Dites-moi que vous me pardonnez, dites. »« Ah, si je te pardonne !» s'écria-t-il, l'emportant de nouveau et la serrant à l'étouffer, comme s'il eût craint qu'elle ne lui échappât tout à fait. « Mais je n'ai rien à te pardonner, mon adoré Toinon. Tu as bien le droit d'être un peu fantasque et nerveuse. C'est un charme de plus, cette nervosité. Une femme qui n'est pas nerveuse n'est femme qu'à moitié. » Quand elle fut rentrée chez elle, qu'elle ne sentit plus le cœur de son mari battre contre le sien, Madame d'Étiol reprit son calme et se mit à songer douloureusement. Non, certes, elle n'était pas la femme qu'il fallait à Guy. Une femme qui n'est pas nerveuse n'est femme qu'à moitié, avait-il dit, et la veille, il répétait la petite de Lassolet, une femme craintive est deux fois femme. Ainsi, ce qu'il aimait, c'était tous les défauts et toutes les qualités qu'elle n'avait pas. Ce qui surtout le charmait chez les femmes, C'était leur petite mesquinerie, leur petite malice, leur petite coquetterie. Et elle sentait bien que, quoi qu'elle fît, elle n'arriverait jamais à égaler les femmes, vraiment femmes, celles-là, qui étaient la société habituelle de Guy. Elle sentait qu'elle serait inhabile et ridicule si elle s'essayait à leur gracieux petit manège, à leur mignard de rouerie. Jamais, par exemple, elle ne pourrait, comme Madame de la Soleil, pousser des cris d'effroi, presque naturels à la vue d'une vache accourant à travers un pré, d'un cochon sortant d'une basse-cour ou d'une poule s'envolant d'une haie. Jamais non plus elle ne saurait, comme Madame de Blainville, être hautaine jusqu'à l'arrogance, inexacte jusqu'à l'impertinence et méchante jusqu'à la calomnie. Elle n'éprouvait pas, quand il devait y avoir un orage, la moindre envie de casser quelque chose ou de dire des sottises à quelqu'un. Elle ignorait totalement la flânerie chez les grandes couturières et dans les grands magasins et n'était jamais entrée au thé de la rue Royale. Elle se rendait compte qu'elle ne pouvait parler que de quelque chose et qu'elle restait bouche close et les railleries lorsqu'elle se trouvait au milieu de gens qui causaient 3 heures durant sans parler ni de musique, ni de peinture, ni de politique, ni de littérature, ni même de course, de chasse ou de chevaux. Là encore, elle eût pu trouver à placer un mot qui ne fût pas idiot. Mais non, toujours les modes, le chic, les potins de coterie ou de clocher. Et l'amour, c'est-à-dire le flirt, auquel elle ne comprenait rien, mais qu'elle avait toujours haï d'instinct, comme si elle devinait combien un jour elle souffrirait par lui. Et s'agitant dans son grand lit sans pouvoir s'endormir, elle se promettait d'éviter plus soigneusement encore à l'avenir toutes les réunions qui donnaient à Guy l'occasion de comparer sa gaucherie de sauvage à l'aisance mondaine des autres femmes. Comme elle regrettait qu'on ne l'eût pas, dès sa toute petite enfance, dressée uniquement pour le monde au lieu de la dresser pour la vie. La plupart de ses amies d'autrefois étaient devenues celles que les échos des journaux chics appellent nos plus charmantes mondaines. Et sa gaieté naturelle l'emportant quand même, elle murmura en riant « Il n'y a que moi qui ai mal tourné. » Puis, elle pensa qu'il y avait pourtant des amis qui se plaisaient avec elle et avec qui elle passait des journées entières à bavarder sans les ennuyer et sans s'ennuyer jamais. Sa belle-mère et aussi Monsieur de Bièvre et tant d'autres qui, avant son mariage, lui avaient fait la cour. D'ailleurs, d'autres femmes très féminines semblait dépaysée aussi au milieu des potins et du flirt. Madame de Breuil, par exemple. Mais aussi, Guy s'était lassé d'elle, et Antoinette se demandait quelles avaient été exactement les relations de son mari et de sa jolie voisine. Madame de Breuil aimait Guy, de cela elle était sûre, du reste elle ne savait rien. Et de cette charmante femme, la seule qui lui parut être vraiment quelqu'un, elle n'était pas du tout jalouse. Mais des autres, ah, elle l'était bien. Et elle avait horriblement peur de le laisser voir. À 7 heures du matin, elle s'endormit en pleurant de tout son cœur.